بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكونتينيون dans le livre فضل رب البرية بشرح Durari al-Bahiyya de l'imam Shawkani. Et l'explication, c'est l'explication du Sheikh Ali ibn Mokhtar Ramli. Qu'Allah le préserve. Alors nous avons fini Babu Salat al-Jumu'ah. C'est ça? Et nous allons entrer dans le chapitre Babu Salat al-Eidayn. C'est ça? Babu Salat al-Eidayn, chapitre La prière des deux fêtes. Salat al-Eidayn. Alors l'imam Shawkani il dit رحمه الله باب صلاة العيدين. Alors ici c'est la prière des deux fêtes qui se font بعد طلوع الشمس, après le lever du soleil. Donc le Cheikh Ali Ramli dit Aïe, c'est-à-dire Salatu Eid al-Fitri wa Eid al-Adha, la prière de la fête al-Fitr, qui veut dire rupture, la fête de la rupture, qui est quelle fête? Ramadan. Wa Eid al-Adha, Adha, la fête de l'immolation. Quelle fête? On appelle cela comment? Tabaski. C'est la fête de l'immolation. La fête du mouton. Là, c'est vague. On dit la fête de l'immolation. Ça va? Ça y est. Qala, l'imam Shawkani dit Hiya rak'atan. Ces deux prières sont deux rakats. Fil awwal al fil oula, dans la première rakat, il y a sab'u takbirat qabl al qira'ati. C'est sept takbirat avant la lecture. Wa fi thaniya khamsun kadhalika wa yakhthu بعدها. Il y a cinq takbirat de même et il fait la khutbah après cela. Donc ici, dans la première rakat, il y a sept takbirat. Les sept takbirat viennent après takbiratu ihram. Ça va? Certains savants disent que c'est sept là, takbirat al-ihram plus six takbirat. À la kulli hal, ces sept takbirat ne sont pas considérés dans avec takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, c'est takbirat al-dukhul fi salah. Ensuite, sept takbirat. Ensuite, les cinq plus takbiratul intiqal dans la deuxième rak'ah. C'est-à-dire lorsque tu te lèves, tu fais un takbir pour te lever, n'est-ce pas? Donc ce takbir plus cinq autres takbir. Et ensuite, il fait la khutbah après la prière. Awalan, hukm salat al-Eid. Le jugement de la prière de la fête. Alaïd. Ça va? Alaïd ici, on a traduit par fête dans le jargon des Arabes, c'est la fête, mais ça vient de Aad, revenir. C'est quelque chose qui revient à tout moment. Wa illa, la fête, on appelle ça comme en arabe, al-ihtifal. Voilà pourquoi ils appellent l'autre ihtifal maulid. Ça va? Wa hadhi bid'ah munkara. C'est une innovation. Une mauvaise innovation. Donc, quel est le jugement de la prière de Aïd? Salatul Aïd sunnatun mu'akkadatun. C'est une sunna mu'akkada. Une sunna insistée. Une sunna dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté wadibun alayhi. C'est-à-dire, il est resté constant sur cette sunna-là. Ça va? À la sahih, de façon authentique. Car il y a des savants qui disent que c'est une obligation. La salat al-Aïd. Donc voilà pourquoi Dieu dit, si tu rates la salat al-Aïd, c'est obligatoire que tu rattrapes. Ça va? Mais ce qui est sahih, c'est que de la parole des gens des sciences, c'est que salat al-Aïd, c'est une sunna qui est mu'akkada. Et c'est la parole du Jumhur al-Ain, la majorité des savants. Quel est le dalil qui montre que ce n'est pas obligatoire? Ad-dalilu ala adami wujubiha. La preuve qui montre que ce n'est pas obligatoire. C'est quelle preuve? Hadith al-Arabi. Le hadith du Bédouin. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة celui qui a dit au prophète صلى الله عليه وسلم au sujet de la prière, هل علي غيرها, est-ce qu'il y a d'autres prières obligatoires sur moi? Quand il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé qu'est-ce qui est obligatoire sur moi. Il a dit خمس صلوات, 5 prières في اليوم والليلة. Il a dit هل علي غيرها, est-ce qu'il y a d'autres prières obligatoires? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit La illa anta tawwa. Sauf si il décide de faire des prières surrogatoires. Donc, dans ce hadith, on a la preuve que le salat al-Aïd n'est pas obligatoire. Si c'était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit salat al-Aïd. N'est-ce pas? Mais il a juste mentionné les 5 prières. Vinci. Il a juste mentionné les 5 prières. Et après qu'il a fini de mentionner les 5 prières, il a dit Hal alayya ghayruha, est-ce qu'il y a d'autres prières qui sont obligatoires sur moi? Il dit non. Ça va? Donc, le jugement, ce n'est pas une obligation. Hein? Donc, quel est le dalil? Le hadith du bédouin. Ça va? Ensuite, deuxièmement, sifatouha. C'est-à-dire, sifatouha. Comment cette prière se fait? Warada hadith fi sahihaini. C'est venu. Les hadiths sont venus dans les deux authentiques. Tadullu ala annaha sallaha rakatay. Qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier ces deux prières de rak'ah. Ça va? Yabda fi rak'at al-ula. Il commence dans la première rak'ah bi sab'i takbirat. En faisant 7 takbirat ma takbirat al-ihram. Avec takbirat al-ihram, comme nous avons dit, c'est-à-dire d'abord takbirat al-ihram. Et puis maintenant il fait 7 takbirat. Ça va? Wa fi thaniya, deuxièmement, يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام. Et il n'y a pas aussi dans ces cinq là takbiratul qiyam. Ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Ça va? لأنها تكون قبل أن يقوم. Alors ça se fait avant qu'il ne s'élève, takbiratul qiyam. فيكبر خمسا بعدما يقوم. Il fait cinq maintenant après qu'il se soit levé de pour la deuxième rakat, c'est ça? Le hadith Abdullah ibn Amr qui dit Inna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kabbara fi Eid sentayni ashara takbiratan. Il a fait dans le Eid 12 takbirah. Sab'an fi l'oula wa khamsan fi thaniya. Il a fait 7 dans la première rakat et 5 dans la deuxième raka. Si on ajoute takbiratul ihram pour la première raka, ça va faire 8. Ça va? Si on ajoute takbiratul qiyam ou takbiratul intiqal dans la deuxième raka, ça fait combien de takbirat? 6 takbirat. Ça va? Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah. Et c'est le hadith de Abdullah ibn Amr. طيب خطبة العيد. خطبة العيد. La خطبة du عيد. Ça va? La خطبة du عيد, c'est deux خطبة. C'est-à-dire une خطبة, une assise et une autre خطبة. بعد الصلاة العيد. C'est après la prière du عيد. لا قبلها. Pas avant. هكذا جاء في الصحيح. C'est ainsi, c'est venu dans l'authentique. قال أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى. الرسول صلى الله عليه وسلم sortait le jour de la fête, de la rupture, de la fête de l'immolation, il est al-musalla, l'endroit où on prie. Al-musalla, c'est l'endroit où on prie. C'est ismu makan. Ça va? C'est pris du verbe salla. Yusalli al-musalli, celui qui prie, wal-musalla, l'endroit où on prie. Ça va? Wa awwalu shay. La première des choses, yabda bihi as-salah. Lorsque l'imam vient, la première des choses, c'est qu'il commence avec la prière. Summa yansarif. Après, il va se lever. Fayakoumu muqabilin nas. En faisant face aux gens. Wan nas julus. Pendant que les gens sont assis. Ala sufufihim. Tu es dans leur rang. فَيَعِذُهُمْ il les exhorte, وَيُوصِيهِمْ il les donne des conseils et injonctions, وَيَأْمُرُهُمْ et il les ordonne, إِلَى آخِرِ jusqu'à la fin. Voici comment l'imam y fait. Ici, le cheikh qui n'a pas mentionné certains points. Ça va? C'est que cette khutba, il n'est pas obligatoire pour les djalissines de s'asseoir pour écouter. Ça va? Man sha'a falyastami wa man sha'a falyansarif. Celui qui veut qu'il écoute, celui qui veut aussi qu'il s'élève. La khutbah de Eid. Mais la khutbah de Jumwa est une obligation. Ça va? Tayyib. Non? نعم هذا خلل. Certains savants disent que on ne répare pas, c'est un khalal, car ça ne fait pas partie des, c'est-à-dire des actes de la prière dont c'est obligatoire de réparer. Et d'autres disent de réparer. Non, pas le mamou. Le mamou, celui qui se trompe, ou ataba an lil imam. Là, je parle. Hein? Si l'imam se trompe, si ça peut attirer l'attention de l'imam, non. Mais si ça ne peut pas, il fallait être trop court, qu'il le laisse. Ça va? Il peut arriver que l'imam se trompe sur le nombre même. Hein? Nam, Soro? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, certains savants disent que Al-Qadha Ali, il rembourse. Ça va? Il écoute maintenant la khutbah. Ça va? Mais on va voir ici que il n'y a pas d'autre prière en dehors de la prière de Haït. Ça va? Mais il y a une question qui peut revenir. Vous n'avez pas posé la question. Il s'agit de lever la main pour le takbirat ou pas lever la main. N'est-ce pas? C'est-à-dire, à part le takbirat et l'ihram, est-ce qu'on doit lever la main encore ou bien on doit dire comme ça les takbirat? Non? Qui a la réponse? نعم هذا كما يقول العلماء الأمر واسع يا certains qui décident de lever la main parce que le asl dans le takbirat al-qiyam c'est rafou al-yadayn, ça c'est la base, ça va. Et parmi les savants qui ont montré que on peut lever la main comme on peut ne pas le lever, il y a Ibn Baz qui a dit Al-Amr Wasi dans ce sujet-là. Ça va? Non. Qala al-mu'allif, il dit wa yustahabbu at-tajammul. C'est préférable et demandé de s'embellir. C'est venu dans les deux authentiques d'après Omar, qui a trouvé une costume au marché. Hulla, dans la langue arabe, ça veut dire costume. Chez les Arabes à cette époque, il y avait Hulla al-Yamaniya, les costumes yéménites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois porté. Et Ibn Abbas aussi, lorsqu'il allait débattre avec les Khawarij. Ils lui ont dit ma hadi al-hulla. Hein? C'est-à-dire, quel est cette costume-là? Il dit faqad ra'aytu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afdal min hada. J'ai vu plus beau que cela sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, avant de débattre avec Ibn Abbas, il voulait lui montrer qu'il est trop dans la dunya, quoi. Hein? Donc, pourquoi il veut venir débattre alors qu'ils sont. Ils ont les habits déchirés. Ibn Abbas dit faqad ra'aytu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahsan min hadha. Donc al-maqsoud al-hulla ici c'est la costume. Donc quand Omar a vu au marché fa'ata biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec cela chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ya rasulullah ibta', il dit achète hadhihi fatajammala biha. Ensuite, embellis-toi avec cela, l'Eidi, pour la fête, wal-wafti, et pour les étrangers. C'est ce qui montre que c'est une sunna quand un étranger vient, tu t'habilles bien pour pouvoir l'accueillir. Hein? Faqala, il dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, innama hadi libasun man la khalaqa lahu. Il dit, ce vêtement est pour celui qui n'a aucune part dans cette, yani dans l'au-delà, qui n'a aucune part dans l'au-delà. Pourquoi il a dit cela? Parce que c'était en soi. C'est pas à cause de la coutume, mais c'était en soi. Ça va? Wa kanat al-hulla min harir. Non? La costume, la soie, c'est interdit pour les hommes, n'est-ce pas? Et la costume était faite en soie. Voilà pourquoi on dit le costume. Voilà pourquoi Rasoul, et puis Sourou est là depuis les midi pas. Hein? Dans tous les cas, c'est la vie. Donc, le costume était fait en soie. Le costume n'a pas de problème, mais la soie est interdite. Voilà pourquoi Rasoul m'a dit, c'est le vêtement de ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Ça va? Khalaq, ça veut dire ceux qui n'ont pas une part. Comme Allah a dit, ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. Ça va? Khalaq, c'est nasib, une part. Ils n'ont pas de part dans l'au-delà. Taïeb. Donc, ici, Rasoul Sura Al-Sem, il a dit cela parce que le costume était en soi. Faqarrahu Nabi Sura Al-Sem ala tajammul. Mais le prophète Sura Al-Sem a approuvé l'embellissement. N'est-ce pas? L'Eid pour la fête, wal-waft, et pour accueillir des étrangers. Walam yukirruhu ala lubsil harim. Mais il n'a pas prouvé le fait de porter quoi? La soie. Toyeb, c'est compris? Non. Non. Non. Quand on dit costume, awalan, c'est le haut. Pâle, cravate, tout ça, ça ne rentre pas dans costume. Tu comprends? Adamana hulla. Hulla, c'est comme une sorte c'est d'embellissement. Ça va qu'on porte au-dessus. Généralement, tu portes quelque chose en bas et puis tu portes au-dessus. Ça va, ce qui était connu chez les Arabes. Et c'est ce que portent aujourd'hui les Saoudiens. Quand ils portent souvent le boubou, ils portent au-dessus. Voilà. Hein? Donc, ici, la base que je vais vous dire, c'est que les vêtements, tout est permis. Sauf ce qui ressemble aux vêtements des mécréants qu'ils portent pour adorer leur divinité. Ça va? Qu'ils portent et qui ont des significations qui sont contraires à nos croyances. Ça va? Ou bien des vêtements qui te font ressembler aux pervers, aux gens qui sont dans le désordre. Donc tous ces vêtements-là sont interdit. Parce que c'est quoi? C'est tachabou. Tachabou le koufar, c'est pas permis. Et pour comprendre cette masala, il faut lire Iqtida' Surat al-Mustaqim de Cheikh Islam Muntemiya. Rahimahullah. Il a bien détaillé la masala là-bas. Ça va? Mais à la base, tout est, hein, ce que tu as porté, ça c'est permis. Si l'autre aussi, même s'il ne porte même pas boubou, il porte seulement ce qui est large. Un pantalon qui ne le sert pas, hein? Khalas, intah al-moudou, tout est permis. Ça va? Sauf ce qui est interdit. Non? L'adri. Les gens parlent beaucoup cravate, ça ressemble aux chrétiens. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne peux rien dire. Afiduna. Non, Dis-nous. Non, c'est pas où. Il faut donner Khulasa. Khulasa, résumé, il dit quoi? Il dit c'est permis ou bien c'est pas permis? Il dit que ceci porte à leur, dans leur croyance. Dans leur croyance. De s'en écarter. Donc, il dit, il a vu la fatwa de Cheikh Souleymane Arouhaïne. Parce que même la cravate, même en question, le nœud là. D'accord. Quelle facilité. Donc ensuite, wal khuruj ila kharij al balad. Sortir ou aller vers à l'extérieur de la ville. Ça va? Ou la salat al-Eid. C'est-à-dire, il يستحب أن تصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد. C'est préférable de prier صلاة العيد في المصلى. Dans un endroit, où on va prier, mais pas à la mosquée. لمواظبته عليه الصلاة والسلام. Parce que le prophète a fait cela, مواظبتان. C'est quelque chose qui est préférable, mais pas obligatoire. Ça va? C'est préférable. Bon, nous, ici, on fait dans la mosquée. Mal à Asaf. Peut-être l'année prochaine, on va voir l'imam ici, l'espace vide qui est derrière là. Peut-être qu'on peut utiliser ça. Hein? Ou bien, trouver une autre solution, peut-être. Mais si on sort devant ici là, ça c'est la guerre. Alors facilite. Donc, c'est préférable de le faire à l'extérieur de la mosquée. Vous comprenez? Et j'ai oublié de mentionner un point. Si ça se fait à la mosquée, est-ce que l'imam doit monter sur le minbar? Mais tu m'as demandé Dalil. Bon, on en a discuté après la salah. Ah. Il a dit que c'est pas obligatoire de monter sur le minbar. Non. On peut changer. D'abord, même à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il allait dans le Moussalla, on ne déplaçait pas son minbar. Donc, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait devant. Et pour corroborer cela même, lorsqu'il parlait aux hommes, il se déplaçait et il allait maintenant faire face aux femmes. Et puis il les exhortait aussi, et puis il revenait. Ça va? Donc ce qui est connu pour le minbar, c'est pour la Jumu'a. Le salat al-Aïd, c'est beaucoup préférable. Mais est-ce qu'ici quelqu'un monte sur le minbar, il aura contredit, il aura fait quelque chose qui n'est pas bien? Là, ça va? Parce que le minbar aussi permet, c'est makan al-maw'iza, un endroit où on exhorte les gens. Donc si l'imam aussi minbar là, ishkal. Ça va? Toyim. Non. Non. Que les dirigeants de la mosquée, tels que l'imam, décident de mettre la khutba à l'extérieur de la mosquée à cause de la politesse de la mosquée. Non, il y a 12. S'il a mis la khutba même à l'extérieur de la mosquée, c'est ce qui est une sunna. Parce que ça doit se faire en plein air. Maintenant, si dehors l'espace n'est pas grand, l'imam s'arrête juste dehors, et puis les autres peuvent rester dans la mosquée. La Jumwa. Pourquoi il dit je reviens en arrière? On fait la khutba de Jumwa. L'imam décide de faire la khutba à l'extérieur de la mosquée à cause de la petitesse de la mosquée et du grand nombre. Mais pourquoi lui ne fait pas dedans pour faire sortir les autres? C'est dehors qu'il va faire. Anna Mara a été touché. Akoulula Kala Edri. Je ne sais pas. Ensuite, wa mukhalafatu tariq. C'est-à-dire, beaucoup de questions, ça nous retarde. Hein? Tu gardes ta question, tu écris. Mukhalafatu tariq, c'est-à-dire changer de voie. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, si c'était le jour de la fête, il changeait de voie. يعني ذهب إلى المصلى من طريق, il va vers l'endroit de prière par une voie, ورجع من طريق آخر, et revenait d'une autre voie. Ça va? Comme ce hadith vient dans Sahih al-Bukhari et c'est rapporté par Jabir ibn Abdullah. Ensuite, قال رحمه الله والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. Il dit ici le fait de manger avant de sortir pour la prière de la rupture, la prière de, comment dire, Ramadan, ça va, mais pas la prière de Adha, Tabaski. C'est ça? C'est-à-dire que c'est préférable. Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, il dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yagdu yawm al-fitri hatta ya'kulu tamarat. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de la fête de rupture jusqu'à ce qu'il mange des dates. Kala wa ya'kulu witran, et dit mangeait par un père. Ça va? Tayyib. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari d'après Anas. Waja min hadith Bureida, c'est venu dans le hadith de Bureida, قال, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. Il ne sortait pas le jour de la fête de la rupture jusqu'à ce qu'il mange, ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. Il ne mangeait pas le jour de la fête de l'immolation jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Et le cheikh Ali Ramli dit wa arju annahu sabit. J'espère que ce hadith est authentique. Ça va? Idha qala dhalika madha yani hadha? Yani hadha anna hadha al-hadith takallamu kathiran hawla. Ils ont parlé autour des hadiths et lui dans ses recherches, il a vu en tout cas le hadith n'a pas de problème. Selon lui. Parce qu'il y a ce qui est connu chez les gens des hadiths qu'on appelle Illatul Khafiyya, la maladie cachée dans les hadiths. Seuls les rouous, les djibal maîtrisent cela. Ça va? Non. Ensuite, wa waqtuha, son moment. Bada irtifa ishams, avant le lever du soleil, après le lever du soleil, qadra rumhin, la mesure d'un rumh, d'une lance, qui est comme la mesure d'un mètre selon le regard. Ça va? Un mètre selon le regard. Wa yuqdar, et on essaie de mesurer, c'est-à-dire d'équivaloir cela birub isa'a, en 15 minutes. Ça va, rub isa'a, c'est un quart d'heure. Ba'da tulu' ash-shams ila zawal. Dès que le soleil se lève, on calcule 15 minutes. Ça va? Par exemple, si ici on dit shuruq, c'est à quelle heure? 6h02. Donc ajoute maintenant 15 minutes sur le Shuruq. Ça va? 15 minutes sur le Shuruq, ça fait 18. Hein? 17? Ok. Disons à 20. Ça veut dire que la prière de la fête, on peut le faire même à 6h20 ou même 6h30. Ça va? C'est son moment. Waqtuha, son temps, kassolati duha. C'est comme le temps de la prière de duha. Donc, waqtaqadama bayan waqtu duha. Et on a vu déjà la clarification du moment de duha. Annahu min tirfa' al-sham qadra rumh. Comme on a dit, comme un mètre. Et on mesure cela. 15 minutes. Il a duhul waqt az-zuhr. Jusqu'à à ce que l'heure des zuhr rentre, on peut prier les deux prières de la fête. Entre ces deux moments, après le lever du soleil, 15 minutes après, jusqu'au moment de la prière du jour. Ça va? Wa dalil zalika anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal khulafa, la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa après lui, kanu yusallunaha ba'da irtifa'i ash-shams qaydarum. Ça va? Et le prière ainsi, qaydarum, comme on vient de le dire. Comme c'est venu dans les hadiths, wa qabla irtifa' ash-shams, mais avant que le soleil ne monte, waqtuna, c'est le moment d'interdiction, fala tajuzu salata fi, il n'est pas permis de prier en ce moment. Wa tantahi bi dukhul waqti salati al-ukhra, l'heure de ce moment-là finit à l'entrée de l'autre prière, qui est la prière de zuhur. Ça va? Wa yadhuhur. Mais ici, pour la prière de Eid al-Fitr, la sunna, c'est de retarder un peu par rapport à la prière de Eid al-Adha. Parce que la prière de Fitr, les gens doivent donner leur zakat al-Fitr. Ça va? Donc, on met jusqu'à peut-être à 8h30, 9h, 10h. Mais pour la prière de Duha, on peut même faire à 7 heures. Ça va? Eid al-Adha. Afonso, je voulais dire Eid al-Adha. On peut même faire à 7 heures. Ça va? Mais si j'ai mis à 7 heures, beaucoup vont prier en ville. N'est-ce pas? Dans les maslahat hatinma, il faut mettre dans une heure qui arrange tout le monde. Mais à la kulehal, c'est après l'immolation de l'imam que les autres vont immoler. Non, c'est pas. Mais pourquoi vous me regardez? Non. Non, si c'est soi, c'est l'imam derrière qui tu as prié. Bien sûr. Non, les savants, ils donnent ce hokum. Parce que si tu l'immoles avant la prière, alors ton immolation n'est plus la udhiyya. Mais c'est une sadaqa, mina sadaqat. Ça va? Al-aslam, c'est de l'immoler après la prière. Ça va? Et c'est ce qui est de sahih. L'immoler après la prière. Quelle prière? Là où tu as prié. Parce que les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ils immolaient après la prière. Pas avant. Vous comprenez? Mais si on ouvre la porte en disant, quand la prière est finie, il faut immoler, alors certaines personnes vont faire des sadaqat. Pas de udhiyya. Parce qu'ils vont immoler, ils vont se presser, ils vont immoler, et puis bon, le moment n'est pas arrivé. Ça va? Donc ce qui est aslam, c'est d'immoler après la prière, et surtout là où tu as prié. Ça va? Sinon, si tu pries à 9h et quelqu'un a immolé, d'autres ont fait la prière à 7h, tu vas te dire, mais il est déjà l'heure, moi je. Hein? La sunna, celui que tu as prié derrière lui. Ça va? Donc, si lui sa prière finit, al-aslam, c'est que tu immoles pour toi après. Hein? Voyez? Non. C'est juste que l'on dit la femme à ce que l'homme dit immole pour lui. Si nous, on n'a pas de moutons, on fait comment? Tu vois? Ça, c'est le problème. Après la prière. Non. Après la prière. Parce que d'autres, ils font ça aussi. Pourquoi on achète mouton pour eux? Ouais. Non. Là? Non. La khutba, ça ne va pas les amener à négliger. Même s'ils délaissent, il n'y a pas de mouchkila. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, c'est d'attendre. Hein? Il y a toujours les afdol. Ça va? En tout cas, il y a d'autres imams qui utilisent ça comme argument pour se faire acheter les moutons. Parce qu'on dit, après l'immolation de l'imam, donc si l'imam n'a pas immolé, on fait comment? Donc on se cotise, on achète le mouton de l'imam. C'est une bonne chose d'acheter le mouton de l'imam. Qu'Allah facilite. Donc, fa'in lam yara an-nas al-hilal, surtout si c'est la prière de la fête de Al-Fitr, c'est-à-dire de la rupture. Si les gens n'ont pas vu la lune, wa lam ya'lamu bil-Eid, et n'ont pas su que c'était le Eid, illa ba'da az-zawal, qu'après que le zawal arrive, c'est-à-dire le moment du zawal du zour, ça va, le moment du zour, kharaju ila al-Eid fi yawm al-thani, ils font la prière de l'Eid la deuxième journée. C'est-à-dire que si on a regardé la lune, yawm al-shaq, on n'a pas vu. Le lendemain, on s'est levé pour jeûner. Et maintenant, il se trouve que la lune a été vue. Ça va? Ça, c'est dans les temps passés. Sinon, aujourd'hui, là, l'information, ça passe vite. Mais dans les temps passés, souvent, il y a d'autres qui sont reculés. Ils n'ont pas l'information. Mais après, ils commencent à gêner. Et quelqu'un vient, on le dit, mais on a vu la lune. N'est-ce pas? Non. Donc, si cela arrive, qu'ils sont toujours avant le zawal, ils font leur prière de Aïd. Mais si le zawal arrive, c'est-à-dire si l'heure de zour arrive, ils attendent maintenant le lendemain pour faire leur prière de Aïd. À cause du hadith de Omer ibn Anas, min amumati lahu min as-sahaba anna rakiban. Il dit que il y a un cavalier qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam fa shahidu annahum ra'u al-hilal. Ça va? Que ils ont attesté, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont vu la lune, c'était le croissant la veille. Fa amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné an yuftiru fa kanu iza shahidu, car ceux-là s'ils attestaient indahu min akhirin nahar. Car fakanu iza shahidu indahu min akhirin nahar ya'muruhum an yuftiru. Si on venait avec un témoignage pour dire qu'ils ont vu, même si c'est à la fin de la journée, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les ordonnait de rompre le jeûne. Fa iza asbahu an yaghdu ila musallahum. Maintenant, s'il faisait jour, le lendemain matin, qui se lève très tôt pour aller faire leur prière. Ça va? Ensuite, le Moussanif dit, l'imam Shawkani dit, wala azanu fiha wala iqama. Il n'y a pas de azan ni de iqama. C'est compris? Ibn Abbas et Jabir ibn Abdullah, ils disent, lam yakun yu'azzin yawm al-fitri. Il ne faisait pas le azan le jour de la fête de la rupture, wala yawm al-adha, ni le jour de la fête de l'immolation. Et ce hadith est muttafaqun alayh. Wa qala Atta il dit, akhbarani Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir ibn Abdullah al-Ansari m'a informé, an la azan al-salati, qu'il n'y a pas de azan pour la prière du fitr, hina yakhruj al-imam, lorsque l'imam sort, wala ba'dama yakhruj, ni après qu'il soit sorti, wala iqama, il n'y a pas aussi d'iqama, wala nida, il n'y a pas aussi d'appel. On prend un micro, Seli damnena, aina, aina. Là, nida. Il n'y a rien de cela. Voilà, chey. Rien. Ça va? Voilà, nida, yauma, izin, voilà, ikama. Il n'y a pas d'appel aux gens, la prière, l'imam est sorti. Il n'y a pas ça, ni n'a de ikama. Ça va? Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Voilà, il s'abada à salat, et il n'y a pas après cette prière, une prière, voilà, qabla à salat, ni avant. Il n'y a pas de prière. Voilà, tahiyyata masjid fil musalla. Il n'y a pas de tahiyyat al masjid dans l'endroit où on prie, fil musalla, pas fil masjid. Ça va? Fil masjid, il peut faire tahiyyat al masjid parce que il est. Si la prière de la fête est faite dans la mosquée, alors il le fait dans le masjid. Ça va? Mais si c'est fait dehors, alors il n'y a pas de tahiyyat puisqu'il n'est pas dans la mosquée. Ça va? Fayyib. فقد قال ابن عباس ابن عباس ادي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين كان البروفيسور اسمه صوتي le jour de la prière la fête de rupture il a fait deux rakat wala yusalli qablaha wala ba'da il n'a pas prié avant ni après ce hadith est muttafaqun alayh ça va wa ma takbir quant au takbir fi yawm al-eid le jour de la fête. Fasabit, ce qui est venu de façon authentique des Sahaba, annahum kanu yukabbiruna yawm al-fitr iza kharaju ila salat al-eid. Yawm al-fitr, ils faisaient le takbir lorsqu'ils sortaient pour la prière de l'Eid. Ils commençaient le takbir pour aller. Il n'y a pas takbir à tout le jamahir. Ça va? Takbir à tout le jamahir bid'ah. Comme a dit Ibn Baz, rahimahullah, كثير من العلماء وحتى عليه فتوى لجنة دائمة للبعوث العلمية. Donc, c'est une bida. Même le comité permanent des savants ont montré que c'est une innovation. Takbiratul Jamahir. C'est-à-dire, d'autres sortes, le jour de la fête, voilà, ils disent ensemble. Où il y a un qui répète et tous ils disent. Là. Chacun fait son takbira. Ça va? Non. Donc, ma amma fil adha. Quant au jour de l'immolation, fayabda min fajr. Il commence du fajr de yawm arafa, du jour de arafa, ila akhiri ayyam tashrik. Jusqu'au dernier jour de ayyam tashrik. Ce sont les trois jours qui viennent après. Qala ghayru wahid min as-sahaba. Et beaucoup de compagnons ont dit cela. Tayyib. Donc, on va s'arrêter ici. Biznillah. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent poser. Et prochainement, nous allons entrer dans le chapitre de Salat al-Khawf. Salat al-Khawf. Ça va? Ensuite, Salat al-Safar. Non. Ensuite, Salat al-Kusuf. Les deux Kusuf. Ça va? Et puis, Salat al-Istisqa. La prière de demande de pluie. Qui aujourd'hui. C'est même oublié par des gens. Abidjan ici, les gens ont la pluie, Daïman. Ou bien, là on oublie. Et après maintenant, Salat et Sisra, on va rentrer dans Kitab al-Janaïs. Ça va? Kitab al-Janaïs, je ferai l'effort de puiser quelques paroles de Cheikh Albani dans Kitab al-Janaïs. Biznillah, les funérailles. Nam. Nam. Quel est le rôle de ceux qui accompagnent passe à Jamaïa, je ne sais rien de lui, mais ça va, je prie, je suis en vous, on est accueilli dans ce que je viens. Non, accompagner l'imam là, Ishkal, Fial. Accompagner l'imam, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est Adamin Mahasin al-Adab. D'accompagner son imam. Hein? Les Sahaba, radiallahu anhu, il faisait cela. Abu Musa al-Ashari peut partir attendre Ibn Omar et Ibn Masoud à sa porte pour pouvoir sortir avec lui pour venir à la prière de Salat al-Fajr. Donc, accompagner l'imam, là, Ishkal, mais la manière dont ils font, ça va? La manière dont ils font, c'est que ils rendent ça obligatoire. Et c'est une autre pratique à leur niveau. Ça va? Tant qu'ils n'ont pas fait cela, l'imam ne doit pas sortir. Donc, c'est ce qui devient un autre jugement. Ça va? Par exemple, l'imam ne doit pas sortir, même s'il est leur, tant que son cortège n'est pas venu. Lui, il ne sort pas, il est là, il les attend. Il les appelle, il les attend. Donc, si c'est comme ça, ça devient autre chose. Mais si c'est Mujarrad, yani al-Murafaqa, Mujarrad Murafaqa, accompagner seulement l'imam pour aller avec lui à la prière, là, je suis allé. Hein? Ça, ça rend les Mu'amalat, wal-Adab al-Hasana. Hein? Non. Non. Qui ont quoi? Non, il n'y a pas d'aller sur ça. Tam tam, le jour de la fête. Tam tam, qui est à la rigueur le douf, qui est permis dans les. À les nika, mais tantôt qu'on voit la sana dans les instruments de musique. Et c'est interdit. Non. Non, j'ai dit que sa parole comporte une vérité comme aussi le faux. La vérité dans sa parole, c'est que le jour de fête, c'est un jour de joie. Ou vraiment, si tu avais l'habitude de faire certaines choses d'adoration, quand même, il faut te libérer ce jour-là. Ça va? Ça, c'est la vérité qui se trouve dans sa parole. Mais le faux qui se trouve dans sa parole, c'est quoi? C'est que je comprends par le fait qu'il faut se couper de l'adoration totalement. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ah, là, là, Ishkal. Si tu avais l'habitude de faire des adorations telles que le fait de lire un jour par jour, le fait de lire, de faire certains askar, à la couleur, les askar, soba, walmasa, des prières, ça, il ne faut pas manquer. Ça va? Ça, il ne faut pas manquer. Et même si tu es dans une mosquée où quelqu'un prend le micro, Ayam Mutashrik, et commence à dire, et puis les gens répètent, ne répètent pas avec lui. Parce que ce qu'ils font, c'est une bida. On ne prend pas le micro. On fait, c'est Takbiratul Muqayyada. Chacun le fait après la prière. Ça va? Il y a Takbiratul Mutlaqa. Et chacun le fait de manière, yani, seul, à tout moment. Ça va, mais un imam prend le micro pour dire aux gens de répéter. Ah, Dama Yadjous. C'est pas venu comme ça dans la sunna. Ça va. Mais le jour de la fête est vraiment un jour de joie, quoi. Ça doit pas être un jour. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ayyamu aklin wa shurb. Ça va. C'est des jours de nourriture et de boisson. Ça va. Non. Et puis on prie, après on vient, on mange, hein? C'est la joie. Non. Le sacrifice là, c'est obligatoire si tu. Le sacrifice de. Celui qui est pubère à Wallan, c'est pas une obligation. Non, c'est comme les savants ils le disent. Quand je dis c'est pas une obligation, parce qu'il y a des actes qui sont wajib, mais pas wujub al-hatm. Il y a wujub al-istihbab, quelque chose qui est dit obligation, mais c'est préférable. Ça va? Parce qu'il y a des wujub, c'est le wujub al-hatm. Ça va? Non. Par exemple, celui qui ne l'a pas fait, il est dans le péché. Ça va? Pour celui qui a les moyens de le faire, l'obligation vient dans ce sens-là. C'est préférable. Ça va? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a la capacité de faire la udhiya wa lam yudahi et n'a pas fait, fala yaqrabanna masjidana ou musallana. Celui qui ne s'approche pas de notre endroit de prière. Donc les savants tirent de cela pour dire quand même que c'est pas comme c'est une obligation, mais c'est une incitation, quelque chose qui est mu'akkada. Ça va? Celui qui a de l'argent, qui a les moyens, qui ne l'a pas fait, c'est comme vraiment il a négligé quelque chose de grand. Ça va? Non, mais ça doit être quelqu'un qui est pubère, qui n'est pas majnoun. Ça va? Qui a la tête sur les épaules, quoi. Non. Moi, j'ai pas vu ça. La viande est donnée aux pauvres et pour celui aussi qui a immolé. Ça va? Surtout les pauvres. Mais nous, on voit ici, les gens font tabac d'oul. Hein? Le riche, il envoie son frère. Le frère, il envoie son frère riche. Hein? Les pauvres, ils sont là. Alors que c'est une udhiya, c'est un sacrifice. Ça va? Donc, généralement, c'est donné aux pauvres. Le riche, il n'a pas besoin. Surtout s'il a immolé, il garde une partie chez lui et puis il donne le reste. Mais les gens, ils font le tabac d'oul entre eux. Ça va? Ils font le tabac d'oul. Donc finalement, le gars, il sait que même si il a donné la moitié de son mouton, il va recevoir encore plus que la moitié. Donc, hada la shaka ana hada laysa munasiban. C'est pas quelque chose qui doit se faire. On donne aux pauvres, ceux qui n'en ont pas. Ça va? Non. Moi, c'est deux koutouba, j'ai vu. Une seule koutouba, là, j'ai pas vu. C'est vrai que, il y a le cheikh Albani, rahimahullah, surtout dans la koutouba de Jumu'ah, qui a dit que là, il faut qu'on fasse une khutba. Ça va? C'est-à-dire, s'il arrive que l'imam ne fasse pas deux, l'assise du milieu, là, il faut. Il a porté vraiment des hadiths là, ce sujet. Ça va? Mais beaucoup de savants disent que c'est deux khutba et c'est wajib. Et c'est ce qu'on a vu ici. On a vu ici que c'est deux khutba. Maintenant, une khutba, le jour de Aïd, j'ai pas dit qu'il n'y a pas. Mais avec ma petite science, j'ai pas vu. Ça va? Non. Donc, si tu veux, je vais encore chercher des paroles pour voir s'il y en a. Mais moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Non. Bien sûr, il n'a pas de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam khayyara sahaba. Il a dit, celui qui veut qu'il s'assoie pour écouter, celui qui veut qu'il soit, il fallait en sorte. Maintenant, il y a un hukum qu'on a oublié. Si la fête, la prière de la fête tombe sur la Jumu'ah. On avait vu ça, non? Dans le bab de Jumu'ah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on prie la prière de Aïd, la Jumu'ah n'est pas obligatoire. Mais l'imam doit prier la Jumu'ah. Ça va? Ala qawlu sahih. Mais d'autres disent que on ne doit même pas faire. Et il y a à cela la position de certains savants, tels que Cheikh Moukbil, Et d'autres, ça va? Mais à la couléal, on doit faire la Jumu'a parce que la prière de la fête ne fait pas tomber l'obligation de la Jumu'a. C'est-à-dire, Qiyam ou Jumu'a. Mais ça fait tomber l'obligation sur les particuliers, pas le Qiyam de la Jumu'a. Parce que la Jumu'a remplace le Zohor. Ça va? Pourtant, la prière de la fête, est-ce que ça remplace le Zohor? Non. Ça va? Non. Non, si tu as ceux qui disent que la Jumu'a n'est pas obligatoire, ils sont entre deux paroles. C'est une masala qui est très, très, très, très, très, très profond. Ça va? Ils disent que si tu as prié la Jumu'a, si tu as prié Salat al-Aïd, la Jumu'a n'est pas obligatoire sur toi et tu ne dois pas aussi prier Salat al-Zohr. Ça va? Mais ceux qui disent, si la Jumu'a n'est pas obligatoire, la Jumu'a n'est pas obligatoire sur toi, mais tu dois prier Salat al-Zohr. Ça va? D'autres disent, le troisième groupe, et ils disent que la Jumu'a n'est pas obligatoire. Ça va? Non, ils disent la Jumu'a est obligatoire. Et tu ne pries pas Salat al-Zohr, mais tu pries les deux prières. Alors, Kouléa, la masala est très grande. Al-Azinakoul, et nous on a vu les paroles des savants à ce sujet-là, Al-Aslam, pour ne pas rater une prière, si tu pries la Jumu'a, si tu pries Salat al-Aïd, la Jumu'a n'est pas obligatoire, mais la Salat al-Zohr, ça remplace la Jumu'a. Ça va? Donc tu pries la Salat al-Zohr. Ok? Parce que si tu as prié la prière de Aïd, tu n'as pas fait Jumu'a, tu n'as pas fait Zuhur. Il y a un peu de doute à ce sujet-là. Même si les paroles sont venues, la majorité de ces paroles-là, c'est des ijtihad que les savants, certains savants ont porté à travers les dalils, avec certaines choses. Donc pour être vraiment sûr, quitter dans le khilaf, si tu fais la prière d'Aïd, tu n'as pas fait la Jumu'a, fais le Zuhur. Ça va? Mais beaucoup d'entre les frères ne sont pas sur cette position-là. Ça va? D'autres défendent le fait de ne pas prier Jumu'a, de ne pas prier aussi Zuhur. Et ils disent, quand on finit Aïd, on vient jusqu'à Asr. C'est une mas'alatu khilafiyya. Mais moi, je vous dis ce qui est pour sortir des khilaf. Nika Zuhur Seli. Atena Fouchin là. N'est-ce pas? Si tu as prié aussi Jumu'a, avec le Aïd, atteint fouchin. Ça va? Non. Au moins, tu n'auras pas manqué quelque chose. Ça va? Non. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.